Allez, allez, viens faire un tour. Plutôt que de se lancer des pierres, allez, viens faire un tour. Plutôt que de se lancer des pierres au visage, la petite fille a grandi, puis a pensé au mariage. Elle a cherché à s'accoupler pour se faire enfanter. Elle a eu du travail par un ami qu'elle connaissait, puis le père a suivi. Pendant que les années passaient, elle avait tout ce qu'elle voulait, même la cuisine, tout équipée, la bagnole, la grande télé, mais le bonheur n'y était pas. Sur son visage, aucune trace de joie. La pauvre, sauf que c'est tous comme ça. La pauvre, mais sauf que c'est tous comme ça. Oh, oh, oh, oh. De faux semblants, tout est faux dans ce qu'elle prétend être. C'est bien pour ça qu'elles vont trouver un gigolo comme moi pour les changer, les faire palpiter. Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh.